ouvre la porte puis on ne te voit plus. Rendez-vous doux avec Corias. Le thème de l'album, c'est autour de la recherche d'approbation puis du narcissisme. Encore une bonne raison pour rapper dans le mic. Des fois c'est l'enfer, mais ça c'est dans tête. Les gens sont sédentaires, les deux pieds poignés dans terre. On fait des moves comme des géants pour être légendaires. Qu'est-ce qui peut être pourri un peu pour les artistes, là, l'amour de soi, puis vouloir se faire dire qu'on est bon. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. En mars, ne manquez pas au cinéma Le Clap l'invasion américaine, dès le 11. La démolition familiale, dès le 18. Batman vs Superman et The Lobster, dès le 25 mars. De plus, voyez la première représentation de la série Shakespeare avec The Duchess of Malfi. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Bonsoir les mélomanes, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et on succède comme d'habitude aux illusions auditives et comme je disais à Vincent, j'ai fait des belles découvertes la semaine dernière, c'était plus à l'émission L'Autoroute là, mais où ce qui était question entre autres d'un groupe canadien qui s'appelle Moxie. Et c'est un nom qui m'était très familier, mais que je n'avais pas entendu la musique depuis longtemps. Ben, c'est le fun, on fait des belles découvertes à CKRL et je vous invite aussi à vous inscrire à Terra Incognita, à la page Facebook de Terra Incognita. Et aussi de visionner la page à www.terraincognita.québec. Et vous pouvez aussi nous donner vos commentaires au 640-1586. Pendant que la musique joue. Et vous pouvez aussi nous écrire à terraincognita_ckrl@hotmail.com. Et ce soir, on est avec l'indéboulonnable Bruno qui est toujours présent, toujours fidèle au poste, et France Carrier. Et Jean-François Lamarre, évidemment, à l'animation. Et ce soir, bonsoir France. Bonsoir. Et bonsoir Bruno. C'est Bruno qui nous fait des grands signes, là, puis si on l'agace trop, il va nous taper ses doigts, il va nous couper les micros. Mais pour l'instant, disons que tout va bien et on va tester sa patience tout au long de l'émission. Et d'ailleurs, sa patience commence à être mise à rude épreuve parce que là, la convention Terra Incognita s'en vient, là, puis ça presse. Festival. Ah ben oui, encore les vieux réflexes. Hein. Mais faut dire que c'est la 12e édition, hein, fait que c'est un vieux réflexe. Et qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Faire un petit rappel de ça, France. Faire un petit rappel. Le 20. Parle dans le micro. Je parle dans le micro. Bon. Le 20 mai, c'est RPVL. Oui. Qui va jouer Pink Floyd, The Man and the... The Man and the Journey. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi, ça va débuter avec Inner Odyssey, oui. Abel Gance et RP VL qui vont jouer leur morceau à eux. Oui, c'est leur composition. Leur composition. Ouais. Le dimanche, des États-Unis, Kinetic Element. Oui, ça va être bon. Oui. De l'Italie, Unreal City. Sylvain. D'Allemagne. D'Allemagne. Ben oui, c'est un bon groupe, ça va être le fun. Ça va être très bon. Oui, on va avoir encore une belle année. Mais durant l'émission, on va parler aussi du festival Progressis. Vous savez qu'on est partenaire du magazine Progressis. On va aussi entendre des extraits des deux disques qui viennent habituellement avec l'album. Et ben, on va en profiter pour faire un petit spécial Léon Mé, parce que Léon Mé est la vedette là, du samedi. Là. Si tu veux nous nommer les groupes, là. Léon Mé est en tête, là, donc c'est eux autres qui terminent. Il va y avoir Jean de la Lune. Oui. Mon d'où je connais pas ça. Morning Cities. Ouais, Morning Cities, ouais, c'est. Alan Peer Experience. Mm-hmm. Broke Down Salvation. Et la deuxième journée, Caravan. Seven Impel. Ouais, Seven Impel. Floyd Chamber Concert. Ben oui, on va parler un peu de Pink Floyd un peu plus tard. Oui. De Albélian. Oui. Harold and the Royce. Ouais, il y a beaucoup de groupes qu'on ne connaît pas là-dedans, mais on va en découvrir un petit peu. Mais là, on va faire, pour ce premier bloc, là, quelque chose d'un petit peu spécial. C'est que dans le sens qu'il y a un très bon groupe italien qu'on a découvert récemment qui s'appelle Aurora Lunari. Et ce groupe-là reprenne une pièce de Léon Mé et qui vient de Felona et Serona. Donc, on va débuter le bloc avec ça. Et ben, Léon Mé se sont séparés de leur chanteur emblématique, Aldo Tagliapietra, qui est allé faire une carrière lui-même, mais ils ont sorti un disque qui s'appelle La Via della Seta en 2012, qui est très bon quand même. Puis ils ont trouvé un chanteur qui est un petit peu disons dans les mêmes tonalités. Puis je trouve que ça c'est très bon aussi. On va entendre une pièce qui vient de cet album-là. Et comme troisième pièce de Léon Mé, ben c'est une reprise de Consorcio Acqua Potabile. Et ça vient d'un coffret qui ressemble plus à un livre, là, qui s'appelle Il Teatro delle Ombre. Et on retrouve dans ce coffret-là des pièces en spectacle, mais aussi la reprise de Negorgue del Tempo. C'est pas la reprise, c'est la réédition, disons, un disque, très bon disque de musique italienne qui est disparu depuis longtemps. Et on termine le bloc avec Inner Odyssey. Nel regno buio la luce risplende, in ogni corpo la fiamma si accende. L'amore è vivo nei loro sguardi, ora li unisce nel nuovo domani. Il sole asciuga la nebbia impaurita, le prime foglie salutano il vento, un uomo torna dalla sua donna, una ragazza va incontro al suo sogno. Mondi felici vibrano insieme nell'arco del cielo e nel dolore non c'è ricordo, soltanto oggi comincia la vita. Thank you. sorona, felona inizia il lento declino, inesorabile la notte scende e l'equilibrio ben presto finisce. Costruire, si aspetta sempre il nostro giorno, non cambia niente al di fuori del tempo. verra que passava sulla nostra antica via, lasciando in garanzia la sua eco, un richiamo che poi apriva nuove realtà. Chiamando alla compagnia, la gente di ogni età un omaggio per la terra mia di un suono di lottare. Escaping it. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie participe depuis plus de 10 ans aux courses de canots à glace sur le fleuve Saint-Laurent. Nous avons suivi l'équipe de canots de La Barberie pendant la course de canots du carnaval. Un aperçu. Nous avons été surpris par les appels étranges lancés par leur capitaine. Les voici traversant les glaces. Et maintenant, en eau libre. Embrasse! Pour encourager l'équipe lors de la prochaine course, rendez-vous au Bassin Louise, au 170 rue Dalhousie, à Québec, le samedi 5 mars 2016. Le départ est à 12h30. C'est la course Grand Défi Victor. Embrasse pas juste de la bière, embrasse aussi le Saint-Laurent! Ils ont toujours des bonnes idées, vous. Donc, on a terminé avec Une heure Odyssée de leur très bon album Ascension. Et Une heure Odyssée seront au festival Terra Incognita. Avec deux nouveaux membres. Oui, il y a la belle Rachel, je pense. Je pense pas que ce soit un scoop. Là, non, mais... c'est pas un scoop. Qu'on a vu avec Gigi Project, qui joue très, très bien de la basse. Et l'autre, je ne pourrais pas dire c'est qui. Je ne me souviens plus du nom. Mais c'est pas tellement grave. Vous avez qu'à être présent et vous constaterez le tout de visu. Et en plus, vous aurez une très, très belle soirée. Et avant, Une heure Odyssée, c'était un bloc composé de trois pièces de Léa Ormé, mais interprété pour le premier par Aurora Lunari, le deuxième par Léa Ormé lui-même et Consorcio Aqua Potabile pour le troisième. Et on faisait un petit bloc comme ça pour souligner la présence de Léa Ormé à la convention progressiste qui aura lieu les 23 et 24 avril à Soignies en Belgique. C'est sûr que c'est pas à la porte, mais c'est un petit voyage qui peut s'avérer intéressant. Et ben pour poursuivre avec Progressis, on va entendre une pièce de Acycle. C'est un groupe norvégien qui a sorti un disque qui s'appelle... En fait, on en a parlé dans le numéro précédent, là, qui s'appelait Mental Peace, qui avait attiré l'attention. Donc, on dit que c'est un groupe qui lorgne entre le prog et le jazz. Leur album serait inspiré de... En fait, il est structuré un petit peu comme le Low de David Bowie, c'est-à-dire une première partie avec des pièces plus faciles et une deuxième avec des pièces plus complexes. On parle d'un post-prog à la Wilson. Et bien, en parlant de Wilson, on a eu un très bon concert cette semaine. Oui, lundi. Oui. On a beaucoup apprécié. Et une belle soirée qui nous a permis, pas de découvrir, mais de constater sur scène la présence de la chanteuse Ninette Taïeb, qui chante très, très bien, puis qui présente plutôt bien aussi. D'après les commentaires de certains messieurs. Une très belle madame. Et Acycle, donc, va ouvrir ce deuxième bloc de leur pièce Music for Wasteland. Et on va entendre aussi une pièce de Riverside pour souligner le décès de Piotr Grondzinski, le guitariste de Riverside, qui est décédé subitement. La semaine dernière. Ben oui, le 21 février, oui, ça fait pas longtemps. Et selon le potinage, ce serait une crise cardiaque. Hein? Oui, c'est qu'est-ce que j'ai lu. À 40 ans, il faut dire que c'est un âge critique pour ce genre de choses. Et tant qu'à être là-dedans, il y a un autre personnage aussi de Myriadors. Oui. François Aymon qui est décédé la semaine dernière. Ah non, c'est plus vieux que ça. C'est le 10 février. Le 10 février, c'est vrai. Et la troisième pièce de ce bloc, ben, c'est d'un nouveau, on appelle ça un mini, mais de 55 minutes quand même, qui s'appelle New Dark Age du groupe anglais Crippled Black Phoenix. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Echoes Part 1. Donc, ils ont fait deux parties de Echoes qui ont mis ce disque-là pour presque 40 minutes de musique, là, ces deux pièces-là. Donc, on comprend qu'ils l'ont adapté un petit peu et qu'il y a des improvisations qui sont dessus. Et toujours à la convention progressiste, France a nommé tantôt les groupes. Il y a Floyd Chamber Concerto. Ben, eux autres ont décidé de faire avec un orchestre, puis ils font ça de façon classique. Là. C'est des pièces de Pink Floyd. Ben, ça nous amène à parler de l'opéra. Projet. Pardon? De l'opéra. Oui, mais c'est québécois. Oui, Julien Bilodeau qui va faire l'arrangement musical, si on peut dire. Exactement. Les choses symphoniques. Julien Bilodeau qu'on a connu dans le groupe Pangée. Ben oui, qui avait donné un très bon concert lors du Prog S 1997 au Douteuil. Oui, il était avec les quatre groupes québécois. Hein? C'était-tu cette fois-là? Non, c'était... en fait, il y avait quatre groupes québécois, oui, mais en première partie. Mm-hmm. Donc, un jeudi, un vendredi, samedi et le dimanche. Et, Julien, c'est ça, il y a un bel article dans Le Soleil où il y a une entrevue avec Roger Waters, où ce qui parle... en fait, ça s'appelle « Nouvelle peau pour The Wall », effectivement. Il disait qu'au début, il n'était pas tellement en faveur de ça. Mais que après avoir entendu le démo qui a été fait par Julien Bilodeau et son équipe. En fait, il a demandé de faire « Another Brick in the Ball Part 2 », mais lui, il a décidé d'aller plus loin que ça. Il a fait « In the Flesh »,« Another Brick in the Wall Part 1 »,« The Happiest Day of Our Life » et « Part 2 » aussi. Puis, à ce moment-là, Roger Waters a été très bien impressionné. Et d'ailleurs, Roger Waters sera à Tout le monde en parle, une émission que j'écoute jamais, mais que je pense que je vais faire un spécial cette fois-là. Donc, Pour terminer avec l'opéra, il y a des billets qui sont présentement en vente à l'Opéra de Montréal, je crois que c'est le 20 et le 24 mars, qui sont présentement en vente. C'est pas toutes les dates encore qui sont sorties. On mentionne ici entre le 11 et le 24 mars. Oui, mais pour le moment, il y a trois journées qui sont en vente. Excellent. Donc, on débute avec A Cycle. Welcome to the third place where we respect the recluse you are. We paint you through a stencil. Sounds of function. to your love. I'm addicted to my aimless drive. There's a mask upon my face I can't live without. So you won't recognize me when I am in the crowd. I lost my compass in the world where everything is such a bother, dreaming inside out, feeling inside. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radiothon et le prix spécial membership. Objectif. 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Que l'on soit fumeur ou non-fumeur, lutter contre le tabagisme est l'affaire de tous. Au Québec, la loi concernant la lutte contre le tabagisme a été renforcée. Cela signifie, entre autres, que le montant des amendes pour le non-respect de cette loi a été augmenté. De plus, l'usage de la cigarette électronique est maintenant soumis aux mêmes règles que celui de la cigarette et des autres produits du tabac. Pour en savoir davantage sur la loi et ses différentes mesures, visitez santé.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Tout au long du mois de mars, la poésie est à l'honneur à Québec. Dans le cadre du mois de la poésie 2016, plusieurs événements mettent de l'avant les créateurs de la relève en art littéraire avec le soutien de la mesure Première Ovation. Les Gestes de nos mémoires le 9 mars, Unheim Leach le 10 mars et Wilderness Burn le 25 mars au Studio P. De même que Voix montante le 11 mars au Tam Tam Café. Visitez moisdelapoésie.ca et premièreovation.com pour en apprendre plus. Parce que je t'ai rendu ailleurs, je suis rendu ailleurs. Fait que t'es rendu où? C'est le mariage puis les bébés à cette heure, c'est ça? Moi, je t'apprends à vivre, mais après ça, ta vie, tu la veux avec une autre. Tu me déçois tellement. Je veux que tu t'en ailles de chez moi. Les parallèles se rejoignent à l'infini, une création définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une mise en scène de Michel Nadeau au Théâtre du Conservatoire du 28 février au 6 mars à 19h30, matinée le 5 mars à 15h. Informez-vous au 418-643-9833. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Donc, on a terminé le deuxième bloc avec Crippled Black Phoenix, un groupe anglais qui fait je dirais pas du prog metal, là, mais disons que c'est souvent assez vigoureux ou des fois c'est plus acoustique. Mais c'est un mini-album qui s'appelle New Dark Age et c'est nouveau, ça vient de sortir. Et la pièce qu'on a entendue, c'est la version personnelle de Echoes Part 1. On en a entendu un extrait parce que ça dure 18 minutes et même 19. Et juste avant, c'était Riverside avec Addicted. On avait commencé avec A Cycle de leur album Music for Westland. Et on peut en trouver la setlist au complet sur le site de Terra Incognita à l'onglet radio. Et on poursuit avec Seven Impale, qui sera aussi de la convention Progressis. Donc on va entendre une pièce qui est extraite. Ben, en fait, c'est leur album City of the Sun qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'il était apprécié à beaucoup de places. Nous autres, on va l'entendre extrait du CD de Progressis numéro 79. Et France, tu avais, je pense, quelques petites nouvelles. Bon, il va y avoir un spectacle à l'Antibar lundi le 7 mars avec trois groupes de chez nous, je crois. Il va y avoir Hillward, Universe FX et Piezo. Oui, Universe FX qu'on a qui était reçu. Ben oui, dans notre dernière émission au début du mois dernier. Des spectacles à venir. Ben oui, vas-y. Le 8 avril, Steve Hackett au Grand Théâtre. Pas encore lui. Pas encore lui, pour la troisième fois. Ben non, c'est toujours bon. Ouais, ouais. En plus, ça va être ma fête. Ouais. Le 28 avril, le Stickman au Cercle. Ben oui, avec Tony Levin. Oui. Le 15 octobre, pour The Wall Théâtre Experience au Théâtre du Capitole. Très bonne critique que j'ai lue. Ensuite, le 2 novembre, Marion à l'Impérial Belle. Et la capitale du prog devrait annoncer sous peu quelques spectacles à venir. Bon, on suit ça et on vous tient au courant. Et je vous parlais du progressiste numéro 83, pour faire un petit tour rapide, de Mini Bio de Léa Ormé à la chronique Classic Rock. On fait une rétrospective de Tears for Fears, un très bon groupe des années 80-90 qui ont sorti des très bons disques qui ont... on n'était pas on était plus dans un mode, disons, qu'on avait appelé la New Wave là, à l'époque. Mais je pense que Tears for Fears est allé bien au-delà de ça et leur musique a intéressé beaucoup le public prog. Et dans la chronique, I Love 90, c'est une rétrospective du groupe de néo-prog Galéon. Je vous parlais que moi je trouve que c'est une chronique savoureuse, là. Il y en a. On dit qu'il y a du progressif dans à peu près tout, mais des fois c'est un pourcentage très très faible. Et, dans cette chronique, on démontre que dans la musique de Sweet, il y en a aussi. Une très belle interview de Philippe Gonnet, une interview qui a été faite le 4 juillet 2011 avec Nick Mason, puis on parle de choses assez techniques, entre autres sur les premiers albums de Pink Floyd. Et finalement, Pink Floyd, on s'en sort pas. Hein, c'est Pink Floyd. Ben oui. Et album et événement, et Colline, I Heard You Listening. C'est ce que je n'ai pas encore trouvé, malheureusement, mais on va en entendre une pièce plus tard qui vient de ce CD là, qui vient de Progressis 83. Et il y a aussi le pool de la rédaction, ça c'est toujours intéressant. Et pour les albums numéro 1, devine l'album numéro 1 pour l'année 2015. Que je devine? Ben oui, prends une chance. Faut que je prenne une chance. Unreal City? Oh ben non, il n'est même pas là-dedans. Bon. Mais le premier, c'est Steven Wilson. Deuxième, Opeth. En troisième, Steve Hackett. En quatre, Pink Floyd. En cinq, Anik Dotin. Riverside. Annot Rule, qu'on a déjà écouté ici. David Gilmour, évidemment. Spock's Beard. Et Abelian, qui sera au... la Convention progressiste. Non, c'est le festival. C'est toi qui t'es fait prendre ce coup-là. Bon, ben on y va en musique avec... on y va en musique avec Seven Impale, qui sera au festival progressiste au mois d'avril. We'll be right back. get back your self-control from a girl who's not If we can count you out. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie participe depuis plus de 10 ans aux courses de canots à glace sur le fleuve Saint-Laurent. Nous avons suivi l'équipe de canots de La Barberie pendant la course de canots du carnaval. Un aperçu. Nous avons été surpris par les appels étranges lancés par leur capitaine. Les voici traversant les glaces. Et maintenant, en eau libre. Embrasse! Pour encourager l'équipe lors de la prochaine course, rendez-vous au Bassin Louise, au 170 rue Dalhousie, à Québec, le samedi 5 mars 2016. Le départ est à 12h30. C'est la course Grand Défi Victor. Embrasse pas juste de la bière, embrasse aussi le Saint-Laurent. C'est le fun, nous amours. Eh bien, un truc que j'ai trouvé le fun, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est le groupe Z. C'est un groupe allemand, puis on retrouve cette pièce-là, Wheels of Time, sur la compilation Progressiste numéro 83. Et Z, ben, si on fouille un petit peu dans le magazine, on dit que ce disque-là, Real Life Never Stops, c'est une compilation de morceaux qui ont été écrits de 78 à 83 par le claviériste du groupe, et ça a été retravaillé récemment. Et on parle de space rock, ambient, post-rock. Ben moi, je trouve en tout cas cette pièce-là, c'est vraiment délicieux. Et on avait débuté par Seven Impale, qui sera à la convention progressiste à Soignies en Belgique. Et c'est vrai qu'on n'est jamais tellement loin de Van der Graaf, c'est ce qu'on dit dans le petit descriptif. Et ma foi, c'est assez intéressant. Et Fran, je pense que tu avais quelques informations. Oui, bien là, je voulais revenir sur le spectacle à l'Antibar, que ça débute à 19h. Et d'après ce qu'on a su, les groupes vont jouer 40 minutes chaque. Oui, chacun des groupes va jouer un spectacle à peu près égal. Là, ils ont la même durée. Là, tu parles de 19h. Les portes ouvrent à 19h. Les portes ouvrent à 19h. C'est ce que Francis m'avait dit. Et aussi, j'ai oublié un spectacle de vous dire, c'est Dream Theater le 14 avril. Ah, oui. Au Théâtre du Capitole. Ben oui, on fera jouer un petit peu d'autres extraits. Là, j'avais fait jouer un extrait du dernier album. Ben, on en écoutera pas cette fois-ci. C'est pas prévu dans mon horaire. Et ben une autre belle découverte que j'ai faite, moi je trouve ça assez fun, je trouve que c'est léger, c'est rafraîchissant, c'est Last Flight to Pluto. La pièce c'est Heavy Situation et on trouve ça sur la compilation New Species Volume 1, c'est par The Classic Rock Society. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sur, ça vient avec le magazine Progressiste. Et ben j'écoutais ça puis j'ai aimé le son. Et ben on va s'en faire une idée. Et ce sera suivi des collines qu'on retrouve sur la compilation Progressiste 83. Et une pièce de Richard Soblum qui est vraiment un très bon disque que j'aime beaucoup. Moi et Michel, on est vraiment excités par ce disque-là. Et donc, on y va avec Last Flight tout plus tôt. We'll be right back.

curtains purchased a place to go with the clearest view and the bargain low. The buildings end here where the walls crumble down. They usher in the aisles of stones between the bones and places they travel. Places they've gone, that we've been and will go. Oh, I can't handle me. magic things that be when we ride to with our unbended knee. Et c'est déjà pratiquement tout pour nous. C'était Terra Incognita. Et bien, ce qu'on a entendu juste avant, présentement, c'est Caravan Live at BBC, Love to Love You. Et Caravan, on vous rappelle qu'ils seront au Festival Progressiste à Soignies en Belgique. Et on vous en a parlé tout au long de l'émission. Et juste avant, c'était Eric Sobloom de son album Unbendable Sleep, le chanteur de The Beardfish. Juste avant, on avait Écoline et on avait débuté avec Last Flight tout plus tôt. Donc, on n'oublie pas la convention Terra Incognita au mois de mai. Le festival Terra Incognita. Eh bien oui, c'est plus fort que nous autres, ça reste. Pour les plus aventuriers, le festival progressiste, les 23 et 24 avril à Soignies en Belgique. Toute l'équipe de Terra Incognita, vous étiez avec Jean-François, France et Bruno. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Restez avec nous pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-Radiothon et le prix spécial Membership. Objectif. 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. La Ninkasi vous invite du 15 au 30 mars à la première étape du Challenge des brasseries. 21 microbrasseries participantes, dont la même Frey, Prospecteur, Trou du Diable, Boss, Pit Caribou, Glutenberg et plusieurs autres. En exclusivité, 63 bières à goûter. Votez pour vos bières préférées avec l'aide d'une application web et cellulaire. Le Challenge des brasseries présenté à la Ninkasi Saint-Jean et Honoré Mercier. Informez-vous sur challengebrasserie.com. La Ninkasi, c'est 48 lignes de fût, dont plus d'une trentaine en rotation. Ovacène présente en collaboration avec Frampton Brass le spectacle Set the World on Fire de Brent Johnson le vendredi 1er avril à 20h30. Brent Johnson, excellent guitariste de la Nouvelle-Orléans et fidèle compagnon de Brian Lee depuis 8 ans. Brent Johnson au Centre Castel de Sainte-Marie le vendredi 1er avril. Réservé au 88 387 2200. Programmation et informations sur ovacène.com. Wow.